la synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Bonjour auditrices, auditeurs de la Synergie des médias. Bienvenue à l'écoute de cette édition en seul titre. Des différentes facettes de l'expropriation pour cause d'utilité publique. À la co-présentation de cette édition spéciale en synergie, Mireille Kanyange et Yvonne Mounyaneza. Bonjour Yvonne. Bonjour. Le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions et le ministère des Finances viennent de sortir conjointement une ordonnance ministérielle portant actualisation des tarifs d'indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Certaines personnes expropriées se disent satisfaites de cette actualisation des tarifs d'indemnisation, d'autres non, vu le coût actuel de la vie. Ils demandent des éclaircissements irrelatifs. Dans cette édition spéciale, vous allez suivre aussi différentes interventions relatives à cette ordonnance, y compris celle des responsables des partis politiques, certains experts et l'avis du gouvernement. Merci Yvonne. En synergie de cette édition spéciale, vous suivez la radio Isanganiro, la radio Rema FM, la radio Bonesha FM et Izere FM, mais vous trouvez aussi toutes les informations sur cette expropriation pour cause d'utilité publique dans les journaux comme Iwachu, Burundi Echo, Jimbere Magazine et la communauté des blogueurs YAG. Énergie des médias au Burundi. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et celui des Finances, a procédé l'actualisation des tarifs d'indemnisation des terres, des cultures et des constructions. C'est en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Quels sont donc les grands chapitres contenus dans cette ordonnance conjointe? Les détails avec notre confrère Pascal Nahimana. L'ordonnance ministérielle conjointe portant actualisation des indemnités des terres, des cultures et des constructions en cas d'expropriation pour utilité publique vient d'être mise à jour et signée le 24 mai dernier par deux ministres, celui en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage et celui des finances. Cette loi vient en révision de celle qui était en vigueur depuis 2008. Dans son premier article, cette loi stipule que le paiement d'indemnisation est en tous les cas préalable à toute action de déplacement de la personne expropriée. Toutefois, au niveau de son article 2, il est en outre précisé qu'en cas d'urgence, mais toujours après paiement de l'indemnité d'expropriation, l'autorité compétente peut faire quitter urgemment l'exproprié. Pour les indemnités sur les terres, la loi distingue les indemnités offertes selon que la parcelle soit située à mairie de Bujumbura ou à Gitega, ou encore dans les villes secondaires, les centres à vocation urbaine et les zones rurales. À mairie de Bujumbura, dans l'espace très haut standing, c'est-à-dire dans le centre-ville de Bujumbura, l'indemnité est fixée à 400 000 francs burundais. Pour les quartiers de haut standing Kiriri et Rohero, l'indemnité est fixée à 350 000 francs par mètre carré. Sur un mètre carré dans les quartiers Rweza, Mutanga Sud, Sororezo, Kiyang, Gatoki et Kigobe, il est prévu une indemnité minimale de 300 000 francs burundais. Une parcelle au quartier asiatique, c'est 250 000 francs d'indemnité, 220 000 francs au quartier industriel, tandis qu'à Bwiza, Buyenzi, Jabe et Nyakabiga, l'indemnité est fixée à 150 000 francs burundais. Dans les zones comme Ngagara, Kamenge, Kinama, Chibitoke, Musaga, Kanyosha, c'est 100 000 francs d'indemnité par hectare. Dans la ville de Gitega, les indemnités divergent aussi. Les propriétaires des parcelles à Chatanya, Bgoga et Musinzira reçoivent 120 000 francs par mètre carré, alors qu'à Mugoboka, ils reçoivent 18 000 francs. Les tarifs pour les parcelles dans d'autres zones dans la ville de Gitega varient entre les deux sommes. S'agissant des plantes, pour un champ d'un hectare de maïs, le propriétaire reçoit 1 632 000 francs burundais, 4 320 000 francs burundais pour l'hectare de riz, 10 080 000 francs burundais sont donnés au propriétaire d'un hectare de pommes de terre et par hectare, tandis que pour les champs de manioc, patates douces, il est donné 6 millions de francs burundais par hectare. Un pied de banane est indemnisé à 25 000 francs burundais et 68 080 francs burundais pour un palmier. Un arbre d'eucalyptus, crévillera, cèdre et fleur de cerisier est indemnisé à hauteur de 31 500 francs burundais. Vous saurez que la loi devrait être mise à jour chaque 5 ans pour se conformer au contexte sociopolitique comme prévu à l'article 14 de cette loi. Merci à Pascal Nahimana pour toutes ces précisions sur cette ordonnance conjointe. Page reportage, eh bien, les tarifs d'indemnisation des terres et des cultures tels que contenus dans cette ordonnance conjointe du 24 mai de cette année ne correspondent pas à la réalité sur le marché, disent certains habitants de la colline Gasenyi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, occupant les 160 hectares des environs du palais présidentiel, qui réclame la négociation avant leur expropriation pour cause d'utilité publique. Un reportage est signé Onesfor Niyungeko. Les tarifs d'indemnisation des terres, cultures et constructions qui sont dans l'ordonnance ministérielle conjointe numéro 710-540-553 du 24 mai cette année ne correspondent pas au prix sur le marché. Certains des habitants de la colline Gasenyi, commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, dans les 160 hectares se trouvant aux alentours du palais présidentiel, disent qu'en général, la nouvelle loi présente des avantages par rapport à celle de 2008. Mais disent qu'elle présente aussi des lacunes. Ici, Charles Ndaichimiye, rencontré ce mercredi à Gasenyi, fait savoir qu'il faudrait un dialogue entre les propriétaires des terres et l'État afin qu'il y ait un consensus sur les frais d'expropriation, ce qui fera que ces propriétaires aient de l'argent qui leur permettra d'acheter d'autres parcelles. Charles Ndaichimiye dit que pour le moment, le prix par art est de 15 millions de nos francs, alors que les tarifs montrent que l'indemnisation est de 5 millions par art. De son côté, Innocent Nzuenimana, aussi habitant de Gasenyi, dit que les tarifs d'indemnisation des cultures ne correspondent pas à la réalité sur le marché. Ici, Innocent Nzuenimana donne l'exemple d'un palmier à huile dont le tarif d'indemnisation est de 60 080 francs par pied, alors que le prix d'une bouteille d'huile de palme est pour le moment de 3 000 francs. Innocent Nzuenimana demande que l'État leur donne une indemnisation qui peut leur permettre de déménager et d'acheter d'autres parcelles ailleurs. Merci à Onesor Niungeko. Quittons la capitale économique pour se rendre dans la capitale politique. Les habitants des collines environnantes de la ville de Gitega, où s'étendront la ville, saluent cette extension, mais disent que les frais d'indemnisation lui est réservé n'est pas conforme à la valeur réelle du marché actuel. Il demande également le bornage des routes afin que celui qui se trouvera incapable de construire conformément au plan de la ville puisse vendre librement sa parcelle. Reportage signé Fidèle d'Antoine Sabimana depuis Gitega. La colline de Rukoba, commune et province Gitega, est l'une des collines concernées par l'extension de la ville de Gitega selon le schéma directeur de la ville 2020-2050. Les habitants de cette colline saluent cette extension, mais voient que les frais d'indemnisation leur réservés ne sont pas conformes à la valeur réelle du terrain actuel, comme l'explique l'un des natifs de cette colline. Le tarif des indemnisations, nous trouvons que c'est vraiment très peu par rapport au coût actuel, à la valeur actuelle des parcelles ou des propriétés foncières. Avoir les 6 000 francs par mètre carré, c'est-à-dire que celui qui a une parcelle... un terrain de 4 hectares, c'est-à-dire 400 mètres carrés, il va avoir seulement 2 400 000. Alors que pour avoir actuellement une propriété de telle dimension, il faut plus de 8 millions, même 10 millions. Pour son natif, même ceux qui exploitent les terrains cultivables ne seront pas à mesure d'en acheter d'autres dans d'autres localités. Bien, celui qui a par exemple 1 hectare ou 2 hectares, l'argent qu'il percevra ne va pas lui permettre d'acheter un autre terrain de même dimension que le terrain qui serait retiré. C'est-à-dire, ceux qui perdront donc leurs terres cultivables, ils ne vont plus avoir des terres de même dimension que les terres qu'ils auraient cédées. C'est-à-dire qu'ils vont connaître de problèmes sérieux. Pour ceux qui avaient commencé des chantiers de construction des maisons, son natif demande qu'on leur fasse une exemption. Il y en a qui avaient déjà commencé à construire lorsque la décision en question n'était pas encore prise. Ils ont contracté des crédits auprès des banques. Moi, je proposerais, d'ailleurs j'insiste, je demande de songer à cette catégorie de gens et de leur permettre donc d'achever leur chantier pour que ils se retrouvent dans des problèmes plus sérieux de rembourser la dette pour éviter qu'ils continuent à payer le loyer mais en même temps à rembourser le crédit contracté. Ils demandent également le bornage rapide des routes pour permettre à ceux qui ne seront pas à mesure de construire selon le plan de la ville de vendre leurs parcelles pour aller en acheter ailleurs où ils peuvent déménager vers. Dans la descente récente du ministre en charge des infrastructures, le ministre Deo Gracias Sanganiumami avait recommandé aux administratifs et à Alobuha d'accélérer les travaux de bornage des routes afin de laisser libres les propriétaires qui veulent vendre ou construire leurs parcelles. Gitega, Fidèle Antoine Sabimana, pour la synergie des médias. Merci à Fidèle Antoine Sabimana. Quittons la capitale politique pour se rendre au sud du pays. Les frais d'indemnisation pour les biens, maisons et propriétés de la population habitant autour de la route nationale numéro 3 tardent à être versés au compte des bénéficiaires. Ils indiquent que ce retard aura sans doute un impact sur les montants à percevoir et ils disent avoir ne rien apprécié de la nouvelle loi qui détermine de telles indemnités et voudraient que cette dernière soit porté à la connaissance de la population le plus rapidement possible. Reportage signé Timothée Nationaïguizé. Les activités de la réhabilitation de la route nationale numéro 3 de Gitaza au chef-lieu de la province de Khumonge ont démarré au mi-novembre 2021. Cette réhabilitation de la route a touché les biens des habitants tels que les terres, les cultures et les bâtiments. D'après les informations fournies par la population habitant, lors de cette partie de la route réhabilitée, il y a une équipe qui avait fait un inventaire des habitants dont les biens ont été touchés pour qu'ils reçoivent les indemnités bien avant le démarrage des travaux. Selon toujours ces informations, il y a ceux qui ont déjà reçu les indemnités et d'autres qui réclament encore la procédure de leur indemnisation. Et ces derniers disent que ce retard cause pas mal de problèmes. Par exemple, pour aller poursuivre son dossier, il faut payer des tickets, des frais de transport. Ça peut être 2 fois ou 3 fois, ça dépend du dossier. Et aussi, autre impact est lié à la dévaluation de la monnaie. Donc, comme les prix montent chaque jour, celui qui aura cette indemnisation avec retard, il va subir des problèmes lié à la valeur de la monnaie. Cependant, ces habitants touchés par les travaux de réhabilitation de la route nationale tronçon Gitaza Rumonge apprécient positivement l'actualisation des tarifs d'indemnisation des terres, des cultures et des constructions, mais réclament que toute la population soit bien sensibilisée en rapport avec ces nouveaux tarifs. Maintenant qu'on a révisé cette loi, c'est bien. Nous nous félicitons le gouvernement, mais nous demandons aux concernés qu'il faut sensibiliser aux gens pour qu'ils savent le contenu de cette loi, afin qu'on puisse savoir comment demander la légalisation pour ceux qui ont déjà eu l'indemnisation et comment aussi se comporter pour ceux qui entendent toujours l'indemnisation. Vous saurez que l'ordonnance conjointe de cette actualisation des indemnités en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique a été signée le 24 mai 2022 par le ministre de l'Environnement, de l'agriculture et de l'élevage et le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique en remplacement d'une ordonnance ministérielle de 2008. de la province Rumonge-Rondono en province Bururi, où certains habitants de la commune Mugamba de cette province se disent inquiets des tarifs fixés par la nouvelle ordonnance ministérielle portant actualisation des tarifs et des indemnisations des terres et cultures. Ils indiquent avant cette ordonnance, on mettait en avant les négociations pour la satisfaction de chaque partie et demande au gouvernement de faire la sensibilisation pour que l'on puisse qu'ils puissent donner leurs idées. Et l'administration commune Mugamba demande qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Le point avec Silver Wigiliman. Ces habitants de la commune Mugamba indiquent qu'ils ont mal accueilli l'ordonnance ministérielle portant actualisation des tarifs d'indemnisation des cultures et des terres et des cultures. Ils font savoir que les terres n'ont pas d'une même valeur et ajoutent qu'avant cette ordonnance, on devrait négocier comme Sauviard le précise. Avant cette ordonnance, c'était un consensus sur la valeur de la propriété. Dans une terre aride, une terre cultivable, de champs du café, de palmiers ou du thé, on te donnait un montant équivalent à ces cultures. Cette femme fait savoir que l'ordonnance en soi est bonne, mais demande au gouvernement de faire la sensibilisation pour que la population puisse donner des idées. La terre est une propriété qui appartient aux enfants, mais la loi, c'est la loi. Le gouvernement devrait faire des sensibilisations. On peut trouver des arbres dans une propriété. Avant de décider, le gouvernement devrait nous consulter. Véniste Nahumbaye, administrateur de la commune Mugamba, fait savoir que cette ordonnance soit révisé et demande qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Les terres ne sont pas les mêmes et même les cultures ne sont pas les mêmes. Alors, la terre possède une chose de valeur ou d'une maison construite de façon moderne. Cette ordonnance nécessite d'autres mesures d'accompagnement. Commune Mugamba est l'une des communes de la province Bururi où plus de 90% des procès au tribunal, selon les données de l'administration communale, sont liés au conflit foncier. Merci à Silver Wigiliman à 13h17 dans les studios de la Synergie des médias. On clôture avec cette page des reportages tout à l'heure. C'est la page des réactions des politiques. Kwa radio mu Burundi. Le parti Unité pour le Progrès National, UPRONA, en sigle, salue la mise en place de la nouvelle ordonnance conjointe en rapport avec l'expropriation. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, trouve cependant les tarifs fixés restent minimes face au coût actuel de la vie. Olivier Nkurunziza demande au gouvernement à chaque fois actualiser les tarifs en rapport avec l'expropriation. Suivez-le. Le parti UPRONA a effectivement essayé d'analyser l'ordonnance qui a été signée conjointement entre les deux ministres, ministre de Finances, de la Coopération, mais aussi ministre de l'Agriculture et l'Élevage et l'Environnement. Cette ordonnance qui actualise les tarifs d'indemnisation des terres, de cultures et de construction en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et nous avons vu qu'effectivement, nous félicitons le gouvernement qui a pensé à actualiser ces tarifs parce qu'il y avait des grognes dans la population burundaise. Vous voyez que cette ordonnance qu'on utilisait datait du 20 mars 2008, il y a à peu près 14 ans, au moins 15 ans. Alors, tenant compte de l'inflation de la monnaie du Burundi, tenant compte du marché, de bien sûr le marché international, si on vient et qu'on détruit par exemple les cafés, les quoi, il faut tenir compte du prix actualisé. Alors, nous trouvons qu'effectivement, même si on a actualisé, ça reste toujours insuffisant. Il faut que alors le gouvernement tienne compte de tous ces paramètres qui une fois tenu, ça peut aider à la population d'être satisfaite. Même si ce n'est pas à satisfaction, nous félicitons le gouvernement, mais aussi nous l'encourageons de continuer et de ne pas toujours tarder. Vous voyez que ça vient de passer à peu près 15 ans, sans toutefois revoir ça. Il faut alors que chaque fois qu'il y a les variations ou quand il y a l'inflation de la monnaie et quand il y a la variation des prix sur le marché international, il faut chaque fois revoir cette ordonnance. C'est cela qui va aider la population d'être bien sûr dans leurs droits. Et nous félicitons le gouvernement et nous l'encourageons. Et même le constat est que ça reste toujours insuffisant. Et du côté du parti Rassemblement National pour le Changement Rana, que l'ordonnance vient à point nommé au moment où les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas planifié les terrains et passages des infrastructures d'intérêt public. Aloïse Barichako, présidente de ce parti, appelle les concernés à l'appliquer dans son intégralité. On l'écoute. Au niveau du parti RANAC, nous disons que l'ordonnance vient au bon moment parce que les instruments juridiques que nous avions ici étaient des instruments de longue date. Et maintenant qu'on vient d'actualiser, c'est une bonne chose parce que il y a des moments où la population était victime des travaux d'intérêt public, notamment là où il fallait faire passer l'installation de régie des eaux, par exemple. La population était victime et ne savait pas sur quel sens se donner. Elle était expropriée sans qu'on lui donne réellement le prix réel de ses biens. Maintenant, l'ordonnance est signée. C'est une bonne chose parce qu'on ne pourra plus exproprier une personne de sa propriété sans l'avoir indemnisée. Nous saluons cette mesure. Normalement, quand le gouvernement veut fixer le tarif d'indemnisation, il y a des considérations que le gouvernement fait. Le gouvernement ne regarde pas le pouvoir d'achat de l'Europe. Il doit se placer dans sa politique. Alors, quelle politique? Soit c'est une politique qui consiste à ce que la population puisse trouver une habitation sans difficulté. Là, les prix sont revus à la en baisse. Alors, il y a des fois où le gouvernement dit « nous voulons que le coût des maisons soit exorbitant ». Là, le gouvernement fixe des prix plus hauts. Alors là, ça dépend de la politique du gouvernement. Alors là, nous demandons aux décideurs, nous demandons aux administratifs, aux gens qui sont appelés à mettre en pratique l'ordonnance une fois qu'il y a des travaux d'intérêt public, de l'appliquer dans son intégralité pour que personne ne puisse plus être chassé, aller dans la rue pour chercher où aller habiter, où aller vivre, alors qu'elle avait sa propriété. La voix était de Jean-Claude Nzamibana, président du parti RANAC. Le gouvernement devrait consulter d'abord différentes personnes avant la mise en place de cette loi pour se rassurer des tarifs du moment. Point de vue de Jean Bosco Alemana, professeur d'université et chercheur en résolution pacifique des conflits. Il précise que la mise en application de cette nouvelle loi doit tenir en compte le bien du peuple pour éviter les conflits. Écoutez Jean Bosco Alemana. Ici au Burundi, jusque-là, nous avions la chance d'avoir très peu de personnes sans terre. Désormais, si cette loi est appliquée, on peut arriver à des situations où, à moins que l'État prenne des mesures nécessaires pour la mise en œuvre, vraiment très bien pensées, on pourrait arriver à des situations où on a une augmentation de sans terre, le landless. Et alors, la terre, dans nos traditions au Burundi comme en Afrique, la terre n'est pas seulement un bien matériel, c'est aussi une valeur ancestrale avec qui on se connecte, on s'identifie. Et du coup, vous comprendrez que cette loi pourrait amener à des situations de perte d'identité, de sentiment de détachement, d'être arraché à ses racines, à sa terre, à son identité. Et ce qui peut provoquer une désapprobation partielle ou totale par les victimes, c'est de placer l'homme au centre de tout ce développement. Ce qui veut dire que la personne humaine devrait être le noyau même de ce développement, que l'on ne se contente pas de gros capitaux, de gros intérêts économiques qui ne profitent pas nécessairement à l'humain, à sa communauté. Ça, c'est vraiment l'enjeu principal de tout développement. C'est le développement disproportionné qui cause beaucoup d'inégalités, qui, dans plusieurs contextes, profite à une minorité et appauvrit la majorité. D'où l'accroissement du fossé entre les riches et les pauvres. Et donc, au lieu de contribuer à la consolidation d'une nation prospère, ça contribue à l'augmentation des écarts entre les catégories de personnes riches, qui sont généralement minoritaires, et une masse pauvre. Avant de poursuivre cette édition spéciale en synergie, permettez de rectifier le président du parti Iranak, c'est Eloïse Barichako et non Jean-Claude Nzambimana, comme on le disait tantôt. Et partout au monde, l'expropriation est un phénomène qui intervient dans les gouvernements, quand les gouvernements plutôt ont des projets d'intérêt public à réaliser, tels que la construction des marchés, des hôpitaux ou des routes. C'est ce que du moins indique Abel Nshimirimana, sociologue et enseignant à l'Université du Burundi, qui suggère la mise en place des textes d'accompagnement. Désormais, dit-il, les personnes touchées vont être indemnisées avant d'être délocalisées. L'autre point que ce sociologue soulève, c'est que les concernés auront la possibilité de négocier sur la forme d'indemnisation. La nouvelle ordonnance ministérielle conjointe portant actualisation des tarifs d'indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique vient répondre à l'exigence du moment et au pouvoir d'achat de la population. C'est du moins l'appréciation de Lazare Sagouyé, directeur général chargé des ressources humaines et des finances au ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage. Pour lui, c'est une réponse aux attentes de la population compte tenu de la valeur actuelle de la monnaie burundaise. On l'écoute. L'ordonnance qui était en vigueur datée de 2008. Avec cette ordonnance, les valeurs des choses ne correspondent plus à la réalité du moment. Raison pour laquelle l'État a actualisé l'ordonnance pour l'intérêt de la population. Qu'est-ce qu'on dit dans cette nouvelle ordonnance? On parle d'abord des cultures, on parle des terres, on parle aussi des constructions. Ici, le prix des cultures, c'est en fonction du rendement du prix de chaque produit agricole. Aujourd'hui, on doit se conformer à la réalité du terrain, à la réalité du marché, quitte à ce que le bénéficiaire puisse bénéficier de quelque chose qui peut l'aider lui aussi, si une fois ce qu'il était exproprié, puisse aller au marché et s'en acheter la même quantité et à un bon prix. Quant aux constructions, elles sont en fonction des matériaux de construction utilisés, mais aussi de l'inflation économique. Aujourd'hui, les terres, les maisons et les cultures vont voir leur valeur augmenter jusqu'à même 10 fois parce que la valeur de la monnaie a constamment changé et on se conforme à ce changement de valeur de la monnaie locale par rapport au dollar. Est-ce que, vu l'inflation observée ces derniers jours, peut-on espérer des réponses aux préoccupations de la population? Vraiment, je vous assure que celui qui ne voudra pas être préoccupé sera satisfait parce que l'État a tout fait pour répondre à ces préoccupations de la population. De toutes les façons, si on exproprie une terre, en tout cas, il sera capable de s'acheter une autre terre égale ou plus à celle qu'on lui a expropriée. Ça, vraiment, c'est très bien calculé et je vous rassure. Certains habitants, surtout de la province Rumonge, sur la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge, Gitaza et ailleurs dans le pays, qui n'ont pas encore eu ces indemnités, se trouvent pour le moment dans l'ambiguïté. Est-ce qu'ils seront indemnisés sur base de cette nouvelle ordonnance? Oui, les juristes le disent bien. La loi n'est jamais rétroactive. Je leur demanderai plutôt de tenir compte de la valeur du moment, mais ne pas penser à la valeur de 2022 parce que ça serait pour revenir en arrière. Le plus souvent, la population se lamente du retard de l'octroi des indemnités d'expropriation dans son contexte de l'inflation observée au Burundi. Comment cette nouvelle loi va trouver solution à ces lamentations? Aujourd'hui, c'est très simple. Tu donnes les documents de la propriété, on vous donne des indemnités d'expropriation. C'est donnant-donnant. Il n'y a pas de temps entre la fourniture de ces documents et la fourniture de ces indemnités d'expropriation. Lazare Nsagouye, directeur général chargé des ressources humaines et des finances au ministère ayant l'environnement et l'agriculture dans ses attributions, qui répondait aux questions de Mertous Sinigedze. Voilà, à 13h29 dans les studios de la radio Isanganiro. Vous venez de l'entendre, un seul titre occupait la grande partie, d'ailleurs la grande partie de cette édition en synergie de ce jeudi 2 juin. Vous venez de l'entendre de la part de M. Lazare Nsagouye qui précise qu'il faut se conformer à la réalité du terrain sur le marché du moment que la valeur de la monnaie a constamment changé. Cette synergie, cette édition spéciale en synergie, vous l'avez suivi à travers la radio Isanganiro, la radio Bonesha FM, la radio Isere FM et aussi Isere Bonesha Irema FM, aussi à travers les journaux Iwachu, Burundi Echo, Jimbere Magazine et la communauté des blogueurs Yaga. À la co-présentation, vous étiez avec moi, Mireille Kanyangé et Yvonne Mounianeza. Yvonne, c'était un plaisir. Merci, madame. Très bonne suite à des programmes. Au revoir.